juste une fois caresser ta peau blanche, la faire glisser entre mes doigts de ta nuque jusqu'à tes hanches. Je suis la lasse.